sais, tout ce que je pense à toi, je le sais. Je le sais. Ta gueule de psycho quand tu fais la loin. J'ai dérangé tant quand tu souris. Car je sais que je n'ai rien à te donner. Ou à te donner bien du souci. Ce que je pense à toi, je le sais. Ce que tu penses de moi, je le sais. Tout ce que je pense à toi, je le sais.